Skyrock, Rise Suprême. C'est DJ Case, DJ Case. Et c'est parti comme chaque dimanche soir pour Rise Suprême, DJ Case. Comment va, hein? Ça va, super. Sinon ce soir. Ce soir, bienvenue. Ouais. Bienvenue dans cette émission, dans Rise Suprême, c'est ton émission, c'est toi qui mixes tous les dimanches soirs. Merci pour cette bienvenue. Bah, de rien. On va attaquer avec quoi, tu sais, un peu ce qu'on va écouter durant cette heure. Un inédit de mon projet. Ah. Il est dispo de demain sur iTunes et c'est H. McDom et Maître Gims du Swag. Donc, joli, ouais, joli, belle rencontre. Belle rencontre, ouais. Bon, et ben on écoutera ça tout à l'heure ou on débute avec? Tout de suite. Ah bah, j'ai hâte, coup d'envoi. Tous les dimanches, une heure de son 100% rail. Avec DJ K sur Skyrock, c'est Rail Suprême. Ça, ça pour bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du soir. Ailleurs en New York, je suis dans le record. Ça fait pas comme un sport. Yeah. Ça prend des piges et des piges. Tu dis pas d'avoir de la sape. De la sape pour bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. Demande un Skalpovic, trop de Lusty. J'kick sa deux spies, prends mon Yeezy. Tu veux du swag, il te montre ce truc qui fait que soudain tu te démarques. On se fait pas remarquer, on est remarquable. Faut le dire, personne nous rattrape. Swag et même mon prestige reste plus un merci, passons. Trop de compliments, pourtant j'allais juste pisser. J'ai tissé ma toile comme piqué. L'expliquer c'est trop compliqué. Être chic, allez pas l'échec, les caisses à perdre. Mais au fait, t'aimerais nous côtoyer, t'es sur la liste rouge. Sur la piste, tu bouges, mais t'as pas de groove, la loose. Ok, ok, t'as des loups, mais t'as pas le level. T'as mis un LV, putain. Et je sais pas d'avoir de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag, baby. Du swag, ça fait pas comme un spoil. Du swag, ça prend des piges et des piges. Du swag, j'ai des décennies. Tu fais pas d'avoir de la sape. De la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. Personne ne nous stoppe, c'est chic shop. Un hip-hop qui frappe ton style à l'odeur d'anti-pop. Je l'ai déjà dit, non testé ne venez jamais. Toi t'arrives, on connaît, moi je repars en jumeau. Une pour ma masse de clichés, la famille Duna. Zim Zima, encore un son de sonar. Tu te prends la tête avec ton survêt zardi en latex. C'est dans le sang la tech, même quand jardine sans lacet. Je tape pas dans l'assiette, j'ai toujours un plabio dans l'assiette. T'aimerais enlacer, mais ce soir le physio t'a rappelé. Je sais pas d'avoir de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag, baby. Du swag, ça fait pas comme un spoil. Du swag, ça prend des piges et des piges. Du swag, j'ai des séries. Je sais pas d'avoir de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. De la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident suprême. C'est DJ Kaze, DJ Kaze. Paris, je

C'est Rail Suprême avec DJ Kayz au contrôle comme chaque dimanche soir. Augmenter un petit peu de vitesse, on s'est mis à Imen et Rami Lapache, Sheba, ça aussi sur mon projet. Kayz. Session sympa. Est-ce que maintenant tu vas savoir nous dire tes dates cette semaine? Oui, je peux te dire. Où on va te retrouver? Jeudi 19, donc je suis au Monseigneur Club, anciennement Hammam Club à Paris. Amen. Le vendredi 20 au Club 21 à Reims et le samedi 21 à Toulouse à l'Antrac Club. Donc venez et nombreuses, nombreux. Ne loupez pas les dates, vous les retrouvez aussi sur les réseaux sociaux de DJ Kayz. DJ Kayz, page fan sur Facebook, DJ espace KAYZ et sur Twitter, Instagram, DJ Kayz Paris. On est reparti? On est reparti, on va se remettre, j'ai envie de leur mettre du swag. Et bah allons-y. Magnum et Maître Gims. C'est un morceau qui sort demain celui-ci. C'est un morceau qui sort demain sur iTunes et c'est sur mon projet Paris en New York qui sort donc le 25 août. Et bah c'est parti. C'est DJ Kayz, DJ Kayz. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du soir. Paris en New York, je suis dans le record. Ça fait pas comme un sport, yeah. Ça prend des piches et des piches. Je suis pas d'avoir de la sable, de la sable ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. Il te faut du soir, du soir. Demande à Skalpovic, trop de Lucy. J'kick ça de spi, prends mon Yeezy. Tu veux du swag, il te manque ce truc qui fait que soudain tu te démarques. On se fait pas remarquer, on est remarquable. Faut le dire, personne nous rattrape. Swag et même en plus si j'reste. Fais ça, merci, passons. Trop de compliments, pourtant j'allais juste pisser. J'ai glissé ma toile comme piqué. L'expliquer c'est trop compliqué. Être chic c'est pas l'échec. Et qu'est-ce tu perds la tête? Mais au fait t'es. T'aimerais nous côtoyer, t'es sur la liste rouge. Sur la piste tu bouges mais t'as pas trouvé la loose. Ok ok t'as des loups mais t'as pas le level. T'as mis un LV putain. Je sais pas d'avoir la sable. La sable ou bien ta marque. Je sais pas si tu remarques. Mais c'est évident qu'il faut du swag. Baby du swag. Ça fait pas comme un spoil. Ça prend des piges et des piges. Personne ne nous stop, c'est chic-choc. Un hip-hop, petite frappe ton style à l'odeur d'anti-pop. Je l'ai déjà dit, nous tester ne venez jamais. Toi t'arrives, on connaît, moi je repars en fumant. Une pour ma masse de clichés, la famille Duna. Zim Zima, encore un son de sonar. Tu te prends la tête avec ton survêtard. Dis dans la tête, c'est dans le sang la tech. Même quand jardine sans la sève. Je t'as pas d'enlacé, j'ai toujours un plagio dans l'assiette. T'aimerais enlacer, mais ce soir le physio t'a rappelé. D'avoir de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag. Baby, du swag. Ça fait pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges. Du swag. J'ai des décennies. Suffit pas d'avoir de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. La sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident j'aime le rail. Toi t'aimes le bagra. Moi j'aime les loubias. Les flics on les esquive. Oh, Araya la Ford Mondeo sur le rétro. Y'a les vieux qui jouent au ram, y'a la place d'ex. Y'a les charbonneurs qui flambent au casino d'ex. Dex, dédé de dex. Y'a les manouches, carnouches, arbouches qui gardent la pêche malgré la dédé de dex. dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. J'ai fait 2 degrés plein de mailles. Oui, je suis ailleurs, jamais à l'heure. Évite les gens qui peuvent souhaiter le malheur. On fera jamais les mics. Je suis venu compéter les bacs. J'fais du rap pendant que partout ça braque en banque. Faut des gros sacs pour le compte en banque. On est sans DJ Case, faut qu'on l'entende. Mes potes et moi, on veut voir la vie en banque. Encore, j'ai changé mon décor, mon trésor dans ma tête, c'est le décor. Donnez-moi quand peu, je m'en contente. Laissez-moi vivre dans mon rideau fraîche. Femme, je te sors, t'es jamais contente. En plus, devant les gens, tu fais trop ta fraîche. Oui, je m'affiche, comme si je m'en fiche. La tête dans les nuages, je pense à finir riche. J'ai trouvé le bonheur dans l'écriture et le son. Même si on n'est pas les mêmes, on pense ressemble. Je vis ma vie au jour le jour, en esquivant les mauvais tours. Oui, je vis ma vie au jour le jour, en esquivant. Zumba, genre tête Sao Paulo. Mais mon pote Yarumba, parce que t'es une choroto. Le ramadan est fini, tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garetti et les bouteilles d'alcool. Je te paye un jean Philippe plein, mais ma chérie faut le remplir. Si t'as le corps d'un philippin, pas un euro je vais sortir. Au pire il me reste mes mains et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux de sopala et je suis à Punta Cana. Ok. Avec à l'instant DJ K. Ouais, à l'instant, l'artiste remettait. Mm-hmm. Donc ça, c'est un titre qu'on passe souvent là sur Rail Suprême. On s'est et mis qu'on aime bien. Et qu'on aime bien. On s'est mis le morceau du swag. H McDom et Maître Gims qui est dispo dès demain sur iTunes. Ça, c'est sur mon projet Paris Euro New York qui sort le 25 août. On s'est mis Rimka, Tonton Music Club, Algerino, Redson. Et on s'est remis encore

soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Skyrock. DJ Case, DJ Case. Orin Sufri, Kaber Napoli, Palo. Nikah Maigari, Khalil Adiyani, Golo. Ilhamouni, Ldari, Khouyad, Lghashi, Malo. دنيا قراتني دل العدياني بانو نصوري سفري كامر نابولي طانو لكاها غيقاري خل العدياني قولو لحقوني الداري خويا دل غاشي مالو دنيا قراتني دل العدياني بانو عايش في آلجي وهرن ولا ميلانو رزقي ونبوجي العقلية الباتشينو DJ Kane chaque dimanche. Petite bafouille de fin d'émission. Il est grand temps d'aller se reposer avant d'attaquer une nouvelle semaine. Ça peut arriver. DJ Case, donc il mixe chaque dimanche soir pendant une heure. C'est ça, c'est passé vite. Hein. On est passé vite, on a conclu avec quoi, Case? On a conclu avec AP et Reda Taliani, Alger Casa Tunis. On s'est mis Rof et Indila, Tug Mariage. Et on s'est mis l'ONB, une session oranaise, donc de la région d'Oran d'Algérie, style cabaret, et voilà. Et ben. Bah... Il y en a eu pour tout le monde. Il y en a eu pour tout le monde et on reviendra et tu reviendras la semaine prochaine sur Skyrock. Dimanche prochain. D'ici là, t'es en tournée un peu partout, comme d'hab. Jeudi 19, je suis au Monseigneur Club, anciennement Hammam Club, donc ça c'est à Paris vers la place Clichy. Le vendredi 20, c'est à Reims, au Club 21. Et le samedi 21 à l'Entracte à Toulouse, l'Entracte discothèque, on les salue. Les pour la fête de la musique. C'est ça, exactement. En même temps, chez nous, c'est tout le temps la fête de la musique. Donc, et on se retrouve dimanche. Ouais. Dimanche prochain. Courage à ceux qui passent les examens. Ah, là, demain, il y a le bac, les premières épreuves du bac avec la philo. Ouais. Et puis, il y a plein d'autres examens en ce moment. Donc, courage à vous tous. Si vous veillez tard, c'est que vous révisez à la dernière minute. Ils doivent avoir la boule au ventre. Moi, je l'avais eu, cette boule. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. On a même eu plusieurs. Ciao, Case. Bah, ciao. À la ciao semaine prochaine. Merci. On vient la semaine prochaine pour Rail Suprême. Et d'ici là, c'est le son de Skyrock Rap R&B en non-stop. Ciao. Yo.